75 13 13. Appel non surtaxé. Vous écoutez France Inter, dans quelques petites secondes, il sera 17h. Les dernières nouvelles avec Laetitia Gaillet. La Russie, qui a négocié avec les États-Unis la trêve en Syrie, se dit prête aujourd'hui à la prolonger de 72 heures. Mais peut-on encore parler de trêve en Syrie? Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui dispose de relais sur place, 3 civils, dont 2 enfants, ont été tués aujourd'hui dans le nord-ouest du pays, tués par des frappes aériennes sur une ville rebelle. 13 autres civils ont été blessés. On note aussi des combats entre forces du régime et rebelles dans la périphérie de Damas. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir d'urgence ce soir à New York. En France, près de 2000 migrants ont été évacués ce matin d'un campement dans le nord de Paris, des hommes et quelques familles venues d'Afghanistan, du Soudan ou encore d'Érythrée. L'évacuation a duré 5 heures à Lycerano. Le calme et le soulagement, certains trempés par la pluie, affichaient un sourire en montant dans le car. Je suis content car il pleuvait ici et je veux aller dans un endroit sûr. Where do you come from? Je viens d'Afghanistan, où il y a beaucoup de problèmes. À côté du personnel de la préfecture d'Île-de-France chargé de leur évacuation, Radia, bénévole pour l'association Une Chorba pour tous. Je pense bien que c'est le seul-là. Ils veulent tous partir, mais ils veulent partir se retrouver dans un endroit potable. C'est pas des maisons, ça. C'est des baraques, même pas des baraques. C'est des cartons, c'est des tôles. Radia montre du doigt les matelas, les chaises, les bâches laissées à l'abandon sur le terre-plein de l'avenue de Flandre et qui ont servi d'abri à près de 2000 personnes. Aujourd'hui, ces personnes vont être installées dans une soixantaine d'hébergements d'urgence répartis en Île-de-France. Mais par manque de place, certains migrants finiront dans des gymnases ou des hôtels ou encore ici même dès ce soir. Donc vous pensez qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont revenir? C'est évident. Donc ici, par exemple, c'est un campement essentiellement afghan, mais il y a aussi du coup d'autres nationalités, des Soudanais, des Érythréens qui sont ailleurs en fait, qui sont quand même dans la rue, et qui vont venir et qui vont se regrouper, reformer un campement, etc. On voit d'ailleurs revenir de jeunes hommes par petits groupes, à peine les bus partis, confirmant les propos de ce riverain. Car des campements, il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres à deux pas d'ici, où vivent entassées des familles avec de jeunes enfants. Alice Serrano. Eux n'ont pas atteint l'Europe. Des patrouilles libyennes ont intercepté hier 300 migrants qui tentaient de traverser la Méditerranée. Mercredi, c'est plus d'un millier de migrants qui ont été interceptés avant leur départ. Ils étaient dans 7 bateaux pneumatiques. La plupart venaient d'Afrique subsaharienne. Un tiers étaient des femmes et des enfants. Il fut le 10e président de la République italienne, un poste honorifique, mais Carlo Azeglio Campi était surtout une autorité morale très respectée dans son pays. Il fut considéré comme un rempart même contre les écarts du gouvernement de Silvio Berlusconi. C'est aussi lui qui fut le principal artisan de l'entrée de l'Italie dans l'euro. Carlo Azeglio Campi est mort aujourd'hui. Il avait 95 ans. Gasquet est plus fort que Coric. Le Français a offert à la France tout à l'heure son premier point dans la demi-finale de Coupe Davis qu'il oppose à la Croatie, à Zadar. Une victoire en 3-7, 6-2, 7-6, 6-1. Et maintenant, Fabrice Abgras, le deuxième simple. Lucas Pouille contre Marin Cilic. Le match va commencer ou a commencé depuis quelques minutes. 5 minutes très précisément, et c'est Marin Cilic, le croate, 11e joueur mondial, qui est au service dans le premier jeu de ce premier set. 40 égalité alors que Lucas Pouille bénéficiait d'une balle de break, donc d'entrée de jeu. Lucas Pouille qui est rentré très très vite dans la partie, il a mis tout de suite beaucoup de pression sur Marin Cilic, je vous le disais, 11e joueur mondial, vainqueur de 15 titres depuis le début de sa carrière, dont un titre du Grand Chelem, il ne faudrait pas l'oublier. C'était à l'US Open en 2014, et cette année il a remporté notamment le Masters 1000 de Cincinnati en battant en finale qui plus est le numéro 2 mondial Andy Murray. Il est en forme, hein, attention Marin Cilic, mais il est en forme aussi Lucas Pouille, il est en pleine confiance, vous le savez, vous avez vu son parcours à l'US Open, il a atteint les quarts de finale en battant en 8e, vous vous en souvenez, Raphaël Nadal en 5-7, hein, Lucas Pouille qui fait aujourd'hui sa deuxième sélection, la première c'était il y a 2 mois, il avait remporté son premier match en Coupe Davis. Lucas Pouille qui vient de perdre ce jeu de service de Marin Cilic, le Croate mène 1-0 dans la première manche. Fabrice Abgral en direct de Zadar en Croatie. Vous en doutiez? Eh bien voici la preuve, les mois d'août et de juillet ont été les 2 mois les plus chauds jamais enregistrés dans le monde, 0,16 degrés de plus que le précédent record de 2014. L'Organisation météorologique mondiale pousse plus loin aujourd'hui. Elle prédit que l'année 2016 devrait être la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des relevés de température il y a 137 ans. 17h et presque 5 minutes sur France Inter, on va aller à la Bourse de Paris retrouver Antoine Verlin. Antoine Verlin, ça a commencé en baisse, ça devrait finir en baisse aujourd'hui à la Bourse de Paris. Eh bien oui, Laetitia, puisqu'actuellement, eh bien, le CAC 40 perd 1,03%. Il revient à 4328 points. Le mois dernier, l'indice des prix à la consommation a augmenté un petit peu plus que prévu aux États-Unis. Or, maintenant que le marché du travail américain se porte bien, eh bien, c'est l'inflation qui va être déterminante pour la politique monétaire de la Réserve fédérale. Autrement dit, une nette remontée de l'inflation pourrait inciter la Fed à relever ses taux. Alors, ce n'est pas encore le cas, mais mercredi prochain s'achèvera le comité de politique monétaire de la Banque centrale américaine, avec peut-être à la clé des précisions sur l'évolution de ses taux d'intérêt. Donc, en attendant, eh bien, les investisseurs évitent les prises de risque et le dollar s'est nettement redressé, puisque l'euro est à 1,1160 contre 1,1240 en début de journée. Côté valeur, Société Générale perd 2,72%. C'est la plus forte baisse du CAC 40. Un analyste a émis une recommandation prudente sur le titre. À l'opposé, Bouygues s'en sort beaucoup mieux avec un gain de 1,12%. À Wall Street, le Dow Jones perd 0,50%, alors que le CAC 40, lui, perd 1,06% actuellement. Il est à 4327 points. C'est Antoine Verlin, La Bourse, pour France Inter. Le vendredi soir sur France Inter, j'entends les gens qui s'installent à partir de 21h. Ça s'appelle Foule Sentimentale. Le plein de chansons du vendredi. Didier Varro. Bain de foule très sentimentale ce vendredi avec Arthur H, Marc Lavoine, Oxmo Puccino. Des retrouvailles aussi avec Nina Morato. Et toujours des découvertes. Un dandy, Adam Nas, le pop sentimental Adrien Soleiman et notre résident du mois, Teamed Up. Et en live, le grand retour de Cocoon et la révélation Juliette Armanet. Foule Sentimentale. Regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio. À retrouver ce soir sur France Inter à partir de 21h. Une Yaris hybride, t'as encore été augmenté? Bah non, mais pas du tout. Elle coûte que 159 euros par mois. Une hybride à 159 euros par mois? Bah ouais. Mais je peux en avoir une à ce prix-là? Jusqu'au 31 octobre, la Toyota Yaris hybride est au prix exceptionnel de 159 euros par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre particulière pour Yaris Hybrid France en location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier loyer 1990 euros, bonus écologique 750 euros déduits sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, sous réserve d'acceptation par Toyota France Financement, voire Toyota.fr. Rembrandt Intime, jusqu'au 23 janvier, au musée Jacquemart-André à Paris. Considéré comme le plus grand maître de l'art hollandais du XVIIe siècle, Rembrandt a dominé l'art de son temps. En une cinquantaine de peintures, dessins et gravures, exceptionnellement réunis autour des chefs-d'œuvre de la collection Jacquemart-André, découvrez le génie de Rembrandt dans l'intimité de sa création. Retrouvez l'exposition Rembrandt Intime dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr. Charline Van Anacker, on a pu découvrir hier soir une partie de votre cuisine sur France 2. Je voulais savoir exactement quels ustensiles vous aviez pour votre invité aujourd'hui. Eh bien, d'abord, je tiens à dire que... Alors, ce n'est pas ma casserole. Non, c'est pas ça. C'est peut-être que tous les auditeurs ne savent pas. Voilà. Allez, moi, je le dis. Hier, elle était à l'émission politique. Elle a amené une casserole à Nicolas Sarkozy, des fois qu'il lui en manquerait. Voilà. Sur une idée originale de Guillaume Meurice. Voilà, c'est énorme. Voilà. Donc, finalement, c'est un travail d'équipe. Et le meilleur travail d'équipe, c'est maintenant. Merci, Laetitia. Merci à Gaillet pour ces informations. Bon, allez, bonne cuisine. Merci. Allez, voilà comment nous avons préparé cette émission avec le plus grand sérieux ce matin. Salut les amis. Salut Charline. Il est où Alex? Il fait une sieste à côté là. Voilà, on fait un sujet sur les siestes hier, comme par hasard, aujourd'hui, monsieur s'y met. Mais oui, mais on n'a qu'à faire un sujet sur l'assiduité au travail. C'est du ça, coup, c'est... Voilà. D'ailleurs, c'est qui l'invité? C'est une grande journaliste. Ah, ouais. Karine Le Marchand. Mais non, ah. Elisabeth Quint. Ah oui, c'est chic ça. Elle vient pour 28 minutes. Mmh. Bah, elle peut pas rester jusqu'à la fin de l'émission. Mais 28 minutes, c'est le titre de son émission. Ah, d'accord. Voilà. C'est sur quelle chaîne ça? Arte. Arte, j'ai ça moi? Non. Mais tout le monde l'a Arte, enfin, c'est après M6. Ah oui, je vois, oui. D'accord. Ah non, mais je regarde pas ça, j'aime pas la danse contemporaine sous le Troisième Reich. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait comme sujet? Dans Slate, il y a un truc marrant. Ouais, c'est sur les décisions qu'on prend à pile ou face. Comment Bah, l'article dit que c'est parfois une bonne solution de se décider en lançant une pièce. Plutôt que de trop réfléchir à un problème complexe. Oui, Emmanuel Valls, il utilise cette méthode, je crois. Oui, Burkini, pile ou face, déchéance de nationalité, pile ou face. Ah, il n'y a pas de chance avec pile ou face. Ouais, elle doit avoir deux faces, sa pièce. C'est un bon sujet. Je sais pas. Si, moi aussi, je suis pour. T'es sûr? Attendez, pile, fait le sujet, face on le fait pas. Allez, hein, on y va, je lance sa pièce, hop, et voilà, pile on le fait. Bon, voilà, très bien, on avance. Allez, bon, est-ce qu'on réveillerait pas Alex? Moi je trouve ça drôle qu'on le laisse dormir comme ça. Si on le laisse, il va rater l'émission. Ah bah, attends, pile on le réveille, face on le laisse là. On y va. Et bah face, voilà. Bon, bah, ça changera pas grand chose de toute façon. Bonjour la France. France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui retourne l'actualité comme une crêpe. Et voici les trois informations qui vont rester collées au plafond. Les dirigeants européens se réunissent pour la première fois sans les Britanniques. On venait juste de s'habituer à savoir qu'on était 28. Nous revoilà déjà à 27 et apparemment c'est un problème récurrent depuis le début de l'Union. Bah pourtant j'en avais compté 10 tout à l'heure. Ah, c'est vrai, je m'entends encore. 9, 10... Et une, deux, vous vous entendez ? Une, deux, non, mais... Alors, si vous vous entendez pas une, deux, c'est vous avez commencé 3, 4. Voilà. Le monde est dirigé par la finance et par les algorithmes. Ils analysent notre comportement sur Internet, puis nous servent la soupe qui nous correspond en nous maintenant dans notre bulle idéologique. Mais qui donc se cache derrière ces algorithmes ? Je crée des posts visant le meilleur reach possible pour avoir une pub de like et de retweet et passer en trending topics sur social media. Parce qu'on est vraiment dans une ère supra-conversationnelle. Si un choix cornélien vous donne le vertige, pourquoi ne pas trancher à pile ou face ? Une étude prétend que ça rend heureux. Eh bien, testons les décisions prises à la légère. Ah, et je vais prendre combien de kilos quand je serai enceinte ? Ah, ça. Il va être beau, parce que sinon j'avorte. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui oui, qui un jour a joué à pile ou face avec moi pour décider du sort des brèves insolites d'actualité. Autant vous dire que j'ai perdu. C'est Alexandre. Quelle chance on a eu. 17h20 aujourd'hui. Suite à ses prestations ici, il est engagé partout pour faire des jingles et essentiellement dans les maisons de retraite, car les membres l'entendent bien quand il hurle. Bonjour Thomas VDB. Bonjour Alex, bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui, évidemment, un Actualizic sur un sujet que je n'avais pas encore traité jusque-là, un Actualizic spécial jambon. Ah. Effectivement, 17h30. Suite à ses... on n'avait pas préparé celle-là. Suite à ses prestations ici, il a été contacté par le Quai des Orfèvres, car lui n'a pas besoin de bottins pour faire parler des gens. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Et ben vous le savez, hier soir, les fans de Nicolas Sarkozy se réunissaient dans des bars à Paris pour regarder leur idole à la télé. Je suis donc allé à leur rencontre. Chez De Gaulle, il reviendrait, il serait malade. Ouais, c'est sûr s'il t'entendrait parler aussi, à mon avis. Hein. 17h40, suite à ses prestations ici, elle a été contactée par la Fédération Française de Football, car 98% des affiliés n'ont rien compris aux dernières chroniques d'Isabelle Serrand. Bonjour. Bonjour Alex. De quoi on parle ? Aujourd'hui, on va parler d'amour. Je vais chroniquer un livre qui s'appelle L'amour, le vrai. C'est autre chose que le jambon. Et 17h55, suite à ses prestations ici, il est de plus en plus difficile de sortir chez lui, puisque tout le monde lui en veut. Frédéric Fromet viendra nous chanter sa chanson. Et si tu écoutes, J'annule tout est présent dans un monde virtuel, je vous le rappelle, sur Twitter, hashtag annule tout, et sur Facebook, devenez notre ami imaginaire. Alors, celle qui a tout annulé pour nous présente néanmoins son émission ce soir sur Arte, 28 minutes. En attendant, elle préside la nôtre. Alors vous avez débuté à la radio en animant par exemple la matinale de Radio Nova. Vous avez 20 ans de critique cinéma au compteur et notamment sur Paris Première. Et vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Oui. La Duagne, Elisabeth Quin. Ah voilà, Oui. Elle lui ressemble. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Elisabeth Quin, mais la vraie. Bonjour Charline. Bonjour. Bonjour Louise Michel. Bonjour Top Chef. Ah, vous écoutez l'émission, c'est qu'on est de gauche. Alors, Elisabeth Quin, vous oui, présentez Charline. Tous les soirs 28 minutes, donc du qui lundi en dure au 43. Vendredi. Oui, voilà, ça c'est déjà préciser petit... pour Guillaume Meurice. Ah, oui. Du lundi au vendredi à 20h05 sur Arte. Chaîne franco-allemande, donc de la danse contemporaine sous le Troisième Reich. Oui, hein, pour résumer la problématique qui plaît tant à Guillaume Meurice. C'est un thème d'Arte qu'on n'a pas encore vu, mais qu'on appelle de nos voeux. Ça viendra. Il faut juste allumer la chaîne et vous allez tomber dessus. Alors, c'est facile. Elisabeth Quin, en recevant la crème des intellectuels et des artistes chaque jour, en prenant du recul sur l'actualité, est-ce que vous avez des solutions pour le monde ? Ah. Oh, bah c'était oui, ça le thème ? Vous seriez la première en 2 ans et demi, donc... Regardez. Oui. Hédonisme ? Un peu d'esprit dionysiaque, littérature. Oui, Elisabeth Quin a amené un petit peu à boire. Oui, elle est venue avec des livres. J'ai amené un petit peu à boire, beaucoup à lire, un petit peu à manger, et je n'ai aucune solution pour l'armageddon qui se profile à l'horizon. Ah, d'accord, l'armageddon. Donc il vaut mieux s'informer. Et vous avez l'air de bonne humeur pour avoir le nez dans l'actu tout le temps, parce que je parfois on le nez dans souffle. Le... Ah, ça... non, Arte, aussi, Arte j'imagine aussi. Que c'est du schnapps. Mais non, parce que. Force... Mais les clichés fusent. Pendant une heure, on fait du cliché, on a ça. Non, mais c'est vrai, et le bruit des bottes, c'est pas trop contraignant dans les couloirs. Non, ça, j'aurais jamais fait celle-là. Vous, je vous ai à l'œil. Ah, pardon. Vous avez compris ma question, oui. Quoi. Est-ce que c'est pas trop anxiogène tout ça ? Non, écoutez. Bah, et vous, c'est anxiogène ? Alors, vous, mais nous, parfois, on en a marre, c'est pour ça qu'on est beaucoup. Mais nous aussi, on est beaucoup. Oui, c'est vrai. Écoutez, on est énormément autour de cette table. Mm-hmm. Je suis l'arrêt de mer, mais j'ai toute une bande de chouettes chroniqueurs politiques, plus Nadia Dame, qui est l'autre fille, l'autre pilier féminin de l'émission. plus mes deux camarades en fin d'émission, Xavier Module, historien, et François Saltiel, qui problématise, comme on dit sur Arte, toutes les affaires liées aux réseaux sociaux. Donc on est un petit paquet tous les soirs pour diluer ce sentiment légèrement anxiogène. Du verbe problématiser. Voilà, problématiser, via problématiser. Oui, ici justement, cette anxiété de l'actualité, on la démine par le rire. On désamorce le réel, comme disait Romain Gary. Notre idole à toutes les deux. Dans La Promesse de l'Aube, tout à fait. Et vous, est-ce que vous déminez aussi par... vous avez un parcours très marqué par le culturel, moi, j'ai par le Panzer cinéma. Pour déminer, à part ça. Et est-ce que c'est aussi ce regard, avec tout ce bagage culturel, qui permet aussi de, justement de ne pas se laisser plomber par l'actualité et d'avoir un regard très différent? Parce que Mais vous vous démarquez beaucoup. Oui. Je rappelle que vous êtes quand même posé sur un créneau 28 minutes qui est très, très, le plus disputé de la télévision, on peut dire. On peut rappeler qu'en face... Je croyais que c'était le prime time, bah, à 19h, le plus disputé. Il y a les 20h, ah, le grand journal, c'est à vous, Hanouna. C'est quoi ? De quoi Yann Barthès. Ah oui. Une offre oui. qui paraît très variée, et oui. vous êtes les plus différents. Ou les plus suicidaires à l'époque, quand l'émission a démarré, il y avait 3,5. Et qui maintenant marche très très bien. Oui, parce que Arte était une chaîne congelée, comme le dirait mon ami Guillaume Meurice. Si ah, genre, jamais j'aurais osé. Voilà. Non. Et ils ont, ben voilà, ça a été un pari pour eux, non mais sérieusement, d'incarner cette tranche horaire pour amener les spectateurs à rester, à regarder leurs films, qui sont excellents, et pas tous allemands. Et pas tous en noir et blanc, Guillaume Meurice. Mais bon, par contre, et effectivement, tous. C'était un vrai pari. Non, pas du tout. Et c'était un vrai pari, et ça marche, l'émission marche de mieux en mieux. En étant vraiment différent, c'est-à-dire ce qu'on appelle la contre-programmation. La contre-programmation. Qu'est-ce que ça signifie, donc, la contre-programmation? Ça signifie, à l'heure du JT, où on enquille les petits wagons de l'actu, pas tellement hiérarchisé, et avec Ken et Barbie qui présentent ça avec un air à la fois navré et jubilant, ça signifie avoir des gens qui savent de quoi ils parlent et qui font des débats qui sont de 20 minutes minimum. Ouah, voilà, sur un sujet. S'ils savent de quoi ils parlent, mais... Non, non, mais 20 minutes je n'ai pas incriminé le fond. Je m'intéresse à la forme aussi. Ah oui, vous avez des chroniqueurs moches, c'est ça, Olivier? Oui, tous vieux. Déjà moi, moche, mais des vrais tempéraments, vous voyez, des vraies personnalités. Vous voyez, 20 minutes sur un sujet, ça va vous changer aujourd'hui, ouais. Elisabeth Quint, ouais, avec nous, tout va beaucoup plus vite, évidemment. On passe déjà à la musique, voilà. Mais on reste avec vous. Elisabeth Quint, émission 28 minutes, oui, c'est Louise tout à Michel. L'heure, à 20h05. C'est vrai qu'on a Maurice Thorez à côté de nous. I can give you what you want, but you got to go home with me. I got some good old loving and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen, but that ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Action speaks louder than word, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you place your ad with me? Boys will call my dime by the dozen, but that ain't nothing but 10 cent love. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. I'm a man on the scene. I can give you what you want, just come go home with me. I got some good old loving and I got better in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will come a dime by for loving, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light your count, called mama, I'm sure hard to hell and I yes I am. Otis Redding, Hard to Handle. Vous êtes sur France Inter. Nous sommes en compagnie d'Elisabeth Quint, qui ensuite filera vers son 28 minutes à 20h05 sur Arte. Et autour de la table, Alex. Il y a Thomas Védémé qui va nous parler jambon. Et là, j'avoue, je suis curieux. Guillaume Meurice qui va nous parler supporter sarkozyste. Et Isabelle Sorand qui va parler l'amour. Oui. Et l'information 100% naturelle qui n'a pas subi le traitement de la rédaction. C'est maintenant. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Nicolas Sarkozy était hier l'invité de l'émission politique. Il a été jusqu'à citer Nelson Mandela. Ah bah, quelqu'un qui a vraiment fait de la prison. Et pour rien, ça l'a impressionné, évidemment. François Hollande était quant à lui aux 10 ans du site d'annonce Le Bon Coin. Ah bah oui, c'est là qu'il a acheté la mobilette, oui, tout à fait. Pardon. J'imagine qu'il y aura des brèves gênantes. Non, allez. Des brèves de culture, madame, aujourd'hui. Merci. Et donc hier, c'était vraiment une très belle émission sur France 2. Merci, merci. Une belle dose d'humour. Mais vraiment, merci. Ça et cette vanne saillante qui restera mémorable. Ouais, arrêtez, ça me gêne, Alex, arrêtez. Ce moment où Sarkozy a dit « Je n'ai aucune revanche à prendre ». Ça, c'était vraiment excellent, c'était vraiment le moment le plus drôle de la soirée. D'accord. Oui, très bien, merci. Voilà. Bon, pendant ce temps-là, François Hollande était aux 10 ans du site Le Bon Coin. Oui, on s'en souvient, Sarkozy ne connaissait pas ce site il y a quelques mois, ce qui lui a valu des moqueries à l'époque, et Hollande a repris. Vous êtes devenu en 10 ans l'un des sites les plus visités de France. Alors, tous les Français connaissent Le Bon Coin. Ou presque. Voilà. Bah maintenant, ils le connaissent tous les deux. Ils pourront donc tous les deux aller chercher un nouvel emploi bientôt. Quant à, oui, aux outsiders, Valls et Macron participaient hier à un grand colloque, l'héritage politique de Michel Rocard. Ah, c'était où ? C'était à l'Assemblée nationale. Non, à mon avis, il n'est pas là. L'héritage politique de Rocard n'est pas là. Il doit plutôt être entre la Suisse et le Panama. Oui, oui, peut-être. On passe chez les Verts. Cécile Duflot était l'invitée d'Anne Roumanoff sur Europe 1 et elle a déclaré ceci. Elle a déclaré « Je suis pour la légalisation du cannabis, mais pas pour sa consommation, c'est dangereux. » Ah, elle est chroniqueuse chez Anne Roumanoff ? Non, c'est... elle pensait ça. Qu'est-ce qu'elle en fait ? C'est du Pierre Dac. Votez Pierre Dac. Ah ouais. Mais qu'est-ce qu'elle a fait du cannabis ? Je ne sais pas, elle fait des herbiers. Je ne sais pas, j'ai pas d'avis. International à oui, présent. Alors en Belgique, on attendait avec impatience le nom du bébé panda, issu des amours de Ao Ao et Xing Yu, célèbre couple offert par la Chine. Ah, et bien c'est fait, le bébé panda a reçu hier son nom officiel, il s'appelle Tian Bao. Comment vous dites ? Tian Bao. Ah oui, mais Eric Zemmour va pas être content. C'est pas une façon de s'intégrer en Belgique, c'est les noms de Chine. Il aurait dû l'appeler Jeff. Ah, Jeff, voilà, Jeff le panda. Voilà, ça c'est bien. Bon, revenons en France. Oui, un homme saisit la justice pour avoir le droit de sourire sur son passeport. Un passeport qui lui a été rejeté par la préfecture parce qu'il n'avait pas adopté une expression neutre sur sa photo. Voilà, bon, de toute évidence, hein, c'est pas un Parisien qui a demandé ça. C'est sûr. Fait divers, toujours. Et à Paris, l'atelier du célèbre maroquinier Christian Louboutin a été cambriolé. Il y aurait pour 10 000 euros de sac volé. 10 000 euros. Bon, enfin, un sac. Ouais, c'est vrai. Et Rachida Dati a un alibi. Oui, bon, c'est bon. Football. Une nouvelle formule du Ballon d'Or va entrer en vigueur. Oui. Le gagnant ne sera plus élu que par des journalistes. Voilà, une nouvelle formule qui ne change strictement rien pour Olivier Giroud et André-Pierre Gignac, puisqu'a priori, qu'importe la formule, ils ne devraient pas l'avoir. Allez, on termine par des brèves. Oui, Autriche, il chasse les Pokémon et tombe sur une plantation de cannabis. Et qu'est-ce qu'il en fait après ? Bah, il s'est assis, il a causé avec Pikachu et Cécile Duflo. Et la dernière brève culture, Alex. Oui, parce que j'en ai assez des vannes au ras des pâquerettes chaque fois. Alors, Musée d'art moderne du Guggenheim de New York, l'artiste italien Maurizio Cattelan a installé... Ah, les chiottes en or. Les chiottes en or. J'ai vu l'image. Ah, ouais. Bah, c'est chic. C'est Dubaï. Bah, c'est surtout classe pour y couler un bronze. Voilà. Sinon, ce soir, sur Arte. Sur Arte. Mais ça, c'est Arte. Mais les chiottes en or, elles n'étaient pas à la CGT à un moment donné ? C'est vrai. Thierry Lepan, on le salue. Plus maintenant. Elles sont dans le dentier, ou je ne sais pas. On verra, on va chercher. Alors, le premier sujet qu'on va traiter avec Elisabeth Quin, on est sûr que l'Europe va mal quand un sommet européen est organisé sans qu'il soit... À Bratislava. Oui, exactement. Très bonne soirée. Et surtout sans qu'il soit annoncé comme un sommet de la dernière chance. Les dirigeants européens se réunissent pour la première fois sans les Britanniques. Les 27 sont donc à Bratislava, Slovénie. Ils sont tous dépités. Alors, sauf au moment du dîner, où ils sont enfin débarrassés du poulet à la menthe. Quant à la presse, elle rivalise d'imagination pour nous intéresser aux questions européennes. Et apparemment, ça n'est pas nouveau. Ah, écoute un peu, c'est à propos là, de l'Europe des 6, tu sais, l'Europe agricole à Bruxelles. C'est écoute, la séance reprit à 20h, et à minuit, les délégués de l'Europe agricole purent regagner leur chambre où les attendait une call girl bien excitée. Mais c'est pas possible. Ah, écoute, je t'assure, écoute, ils sont vraiment gonflés d'écrire ça dans le monde quand même. Les délégués de l'Europe agricole purent regagner leur chambre où les attendait une call girl bien excitée. Non, je te crois pas. Oh, bah écoute, lis-le toi-même. Les délégués de l'Europe agricole purent regagner leur chambre où les attendait Une collation bien méritée, c'est vraiment que j'exagère. Elisabeth Kay, vous avez reconnu. Ce Jean-Pierre Léo qui fait des coquilles, une si vous, couille si dans vous, le potage européen. Si vous êtes élève comédien, continuez, hein, Jean-Pierre Léo, ah il oui. est arrivé. Ah oui. Avec Claude Jade, Domicile conjugal, oh, Truffaut, 1970. Bon, comme nous sommes d'incorrigibles persifleurs... Oh. Je ne vois pas pourquoi vous dites ça. Vous faites du mal. On se disait que le plus inquiétant dans ce sommet européen, c'est qu'il ne soit pas annoncé comme un sommet de la dernière chance. Ouais. Ça donne l'impression que les bras de chemise ne sont pas remontés. Est-ce que c'est un peu le mais cas vous avez vu où il se tient? Vous avez vu symboliquement ce qu'ils ont choisi? Une forteresse du Xe siècle, un château imprenable. Non, non, ouais. mais sérieusement, ouais. c'est-à-dire que l'Europe à qui on reproche tant d'être coupée des peuples, coupée du réel, ils se sont, à 27, sans les Anglais, donc, claquemurés dans une forteresse imprenable. Au niveau du symbole, je trouve que c'est épouvantable. Ah oui, en effet. Ça, c'est... Après, au niveau voilà. du contenu, moi, je ne suis pas une analyse politique, donc je n'ai rien à dire. Non, non, mais c'est mais il suffirait ça. De l'assiéger, et puis peut-être qu'on les fait mourir à l'intérieur et on est sauvés. Avec de la poix brûlante, ah, c'est ça. Et des... voilà. Ah oui, vous y voyez. Ça me oui. plaît, ah, ça oui. me plaît, le programme me plaît. Alors, c'est quand le grand prochain projet européen qui puisse nous emballer? Est-ce que c'est, par exemple, l'Europe de la défense? Ça a pas de l'air la défense, de la... Ah, la défense. Mais voilà, voilà une idée. Non, c'est Cécile Duflot. C'est Cécile Duflot, sort de ce corps, Cécile Duflot. Une Europe de la défense, est-ce que c'est pas un vous beau projet? Vous trouvez ça emballant, l'Europe de la défense? Non, pas du plutôt tout. Plutôt l'Europe de l'ouverture ou de l'accueil. Non, l'Europe de la défense, ça ne fait rêver personne. Ou l'Europe fiscale. Ah, l'Europe d'une légère harmonisation fiscale. Oui, ce c'est là que nous l'appelons de nos voeux. Oui, voilà. Hein, voilà. Mais les discussions à Bratislava, oui, ce sera bien sûr les migrants, mais surtout la défense. Donc, ce n'est pas les projets qui non, nous emballent. Non, ce n'est pas les projets qui exaltent et qui peuvent redonner un souffle. Et donc, c'est parfois difficile d'en parler, alors? Ou comment est-ce qu'on peut nous s'emballer un peu? Oui, par exemple, sur Arte, qui est quand même la chaîne franco-allemande. Ah ben, Arte est la chaîne française, franco-allemande, européenne et internationale. Oui, on suit l'Europe comme le lait sur le feu, là. Oui, et on est navrés. Mais malgré tout, nous militons, nous sommes des idéalistes et des rêveurs. Donc, oui. Nous espérons une Europe du cœur, voilà, une Europe qui retrouve un petit peu ses fondamentaux. Et est-ce qu'on pense à se souvenir ou rappeler aux autres que finalement, il ne faut pas oublier l'essentiel, que l'Europe, on vit quand même en paix depuis on vit des en décennies. Paix depuis 1945. Mmh. Enfin, si on fait abstraction de la guerre en Yougoslavie, quand même, qui n'était pas si loin, mais on vit plutôt en paix, on est un continent de bien nourri, d'égoïstes et de bien nourri, peut-être tellement bien nourri qu'ils en deviennent égoïstes et insensibles à l'idée de fraternité et de solidarité, mais c'est vrai qu'on est un continent en paix, et un continent économiquement et en termes de technologie et de culture fantastiquement avantagé. Où les inégalités se creusent de jour après jour. De plus en plus, et jour après jour, et d'où l'harmonisation fiscale qui est indispensable. Tiens, Elisabeth Kay a offert à Alex Vizorek qu'un livre qu'on pourrait donner par exemple à François Hollande mais oui. pour qu'il puisse peser dans ce sommet européen. Bah, la méthode Coué, ça va mieux. Bah oui, ça va mieux, je donc ça va mieux. Je tapais sur quoi, moi hein? Je tapais sur quel clou, moi, la méthode Coué? La méthode Coué, je ne sais pas, réfléchissez. Vous l'avez relu récemment? Ah non, je ne l'ai pas relu. Je l'ai trouvé chez un éditeur formidable qui s'appelle Lerne, qui publie des cahiers de Lerne consacrés à des écrivains et qui publie des petits textes, par exemple, Malentendu à Moscou, par Simone de Beauvoir, voilà. Une petite chose qui vient d'être rééditée. Voilà, et je trouvais que tout ça était à la fois pertinent et drôlatique en ces temps incertains. Très bien, c'est vrai, relire l'actualité en ayant son bagage littéraire, ça n'est pas... Juste dire, parce que nous sommes vraiment très exigeants avec la précision, oui. que nous avons dit que Bratislava était en Slovénie, alors que c'est en Slovaquie. Et alors on se trompe tout le temps. Joël Clergio qui nous suit, hashtag annule tout, était vivant. Et on vient de dire qu'on adorait l'Europe, pendant même temps, ce qui est toujours... Voilà, alors on va peut-être dire aussi... On a bu on a bu. On va dire au journal Le Monde qu'il répare sa coquille aussi, parce que, notamment, aussi. Le Monde l'écrit cet après-midi. Donc, voilà. L'Europe, c'est bien parti. J'essaie de me référer... En tout cas, on salue les Ouzbeks. Je ne sais plus où c'est. C'est où? C'est en Europe, ça? Ouais, je ne sais plus. C'est du côté de... c'est par là, bon, c'est loin. C'est pas grave. Oh là là, dites donc, on est bien embarqué avec cette histoire. Ah. Heureusement qu'il y a Thomas VDB, peut-être. C'est moi, Thomas VDB. Hein, attention qu'il ne s'en souvienne plus. Je propose d'entrer tout de suite dans une petite page d'actualisique. Ah oui. On y va. Cette semaine, j'ai regardé Cache Investigation sur le jambon Herta. Ah oui. Je sais, c'est pénible, ça a toujours été pénible. Je le dis d'ailleurs avec toutes mes excuses d'avance, parce que si mes calculs sont exacts, dimanche soir, quand vous irez vous coucher, vous aurez encore cette mélodie dans la tête. Alors cette mélodie, donc, c'est celle de la puberta. On s'en souvient, dans la puberta, on voyait un papy qui se promenait dans la montagne avec un petit garçon, et à un moment, il s'arrêtait comme ça au bord d'une rivière. Ça commençait un peu comme une scène de Faites entrer l'accusé, finalement. Et avec son petit-fils, et ben, le papy se mettait à tailler des bouts de bois et il fabriquait un petit moulin dans la rivière. Et après, il disait de ne pas passer passer à côté des choses simples. Et là, hors champ, il y a le gars qui s'approchait avec sa flûte à bec et qui ont dit. Et donc, évidemment, moi, quand j'ai vu cette publicité, je pense qu'il est un peu comme tout le monde. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il faut que je mange un max de jambon Herta dans ma vie. Ah, c'est pas possible. Il est trop beau ce petit moulin qu'ils ont fait. Il faut que je. D'ailleurs, croyez-le ou non, mais le fait de manger beaucoup de jambon Herta, ça m'a vraiment rapproché de mon grand-père. Alors, mardi soir, Élise Lucet de Cache Investigation, comme quasiment tous les deux mois maintenant, elle allait révéler un énorme scandale, justement en rapport avec Herta. C'est pareil à chaque fois qu'on cache investigation, Élise Lucet prend des lobbyistes ou des politiciens en flagrant délit de mensonge. Et à chaque fois, on est tous écœurés, regarde ça. Enfin, moi, ça me fait toujours le même truc. J'ai toujours cette petite impression de mal aux fesses. Et là, on apprenait que pour faire obtenir au jambon sa jolie couleur rose, Herta rajoute dedans des produits chimiques, des nitrites, qui sont responsables de nombreux cancers colorectaux. Hein, donc là, je suis devant cache investigation. Je repense à tout le jambon Herta que j'ai mangé dans ma vie. Je me dis, passez-moi l'expression, mais double mal au cul. Double mal au cul. C'est vrai que la vraie couleur du jambon, normalement, c'est blanc ou noir, c'est pas rose, hein, on l'a pris dans cette émission. Alors, il y a un moyen mnémotechnique pour savoir s'il a été piqué au nitrite, le jambon. Si le jambon a la même couleur que la peau de Brice Hortefeux, il faut pas le manger. C'est vrai qu'en général, c'est pas du bon jambon. Hein. Ça veut dire que Herta, ils ont rajouté des colorants. Alors d'ailleurs, c'était étonnant parce qu'on voyait Élise Lucet qui mettait vraiment le boss d'Herta, vraiment flagrant délit de mensonge. Et le mec, on voyait, il perdait un peu ses moyens. À un moment, il a carrément répondu sur l'air de la pub Herta. Et je suis très étonné voilà, par cette histoire de nitrite. Alors en tout cas, au moins le point positif sur cette info, je dirais que c'est qu'à une époque où on rend les musulmans responsables de tous nos maux, a priori, il y a peu de chances pour qu'ils aient quelque chose à voir avec cette affaire de jambon. Ou alors si, justement, on pourrait penser qu'Herta a fait une sorte de joint venture avec Daesh, et ils ont initié ensemble ce plan pour terrasser des milliers d'infidèles occidentaux avec du jambon empoisonné. Allahu Akbar, voilà, on sait pas. Voilà, donc évidemment, on sait qu'aujourd'hui, c'est très compliqué avec la nourriture, la malbouffe, elle est partout. Ce serait plus simple de ne plus manger de viande, de jambon. Moi, j'adore le poisson, mais je vois même que même le poisson, c'est très compliqué. Il y a tellement d'hydrocarbures dans la mer, je crois que même à Marseille, les mecs mettent de la bouillabaisse dans le réservoir de la voiture. Voilà. L'autre jour, j'ai acheté du saumon, il contenait tellement de mercure que j'ai pu l'utiliser en thermomètre. Voilà, en général, c'est pas très très bon signe. Voilà, donc, que ce soit le jambon ou le poisson, lisez l'étiquette de composition des aliments. Et face à la malbouffe, n'oubliez pas de rester glucide. Thomas fait des B. Nous sommes en compagnie d'Elisabeth Quint. Vous pourrez voir son émission 28 minutes ce soir à 20h05 sur Arte. En attendant, on est ensemble, restez avec nous. Some son canapé, la programmation musicale de Djoubaga, Baka. J'ai ripé, donc je l'embrasse. Vous êtes sur France Inter. Nous sommes en compagnie d'Elisabeth Quin. Vous pourrez voir son émission 28 minutes tantôt sur Arte. Oh, j'aime ça. Alex Vizorek, autour de cette table, eh ben, qui avons-nous? Je vais surtout vous dire que Frédéric Fromet vient en fin d'émission. Bah, bien sûr, on l'attend. Bien tous. Sûr, Isabelle Sorrente qui va bosser. L'autre, il a fini avec son jambon. L'autre, c'est Thomas VDB. Et Guillaume Meurice. C'est son tour. C'est l'instant Meurice. Oui, et ben moi j'ai regardé hier soir la nouvelle émission politique de France 2 qui s'appelle l'émission politique. Alors déjà chapeau pour le titre, hein. C'est vrai que si ça s'était appelé l'éveil du Marcassin, il y aurait pu avoir confusion, mais là on est bon. Je sais pas si vous avez regardé, d'ailleurs Charline, vous avez regardé, je sais pas, c'était intéressant, il y avait une réfugiée politique belge à la fin, c'était chouette. J'ai appris plein de trucs, vraiment, vraiment. Déjà j'avais jamais vu de paillasson avec une carte de presse, et ben hier j'ai vu David Pujadas. C'est vachement intéressant, rigolez pas trop fort à cette blague Elisabeth, pour avoir des problèmes aux prochaines réunions. J'ai également vu la séquence Le regard de Léa. Très intéressant. Oui, j'ai donc appris qu'on pouvait donner le nom d'un film de cul des années 80 à une interview politique. C'est toujours intéressant aussi, hein, le sexisme en direct, c'est sympa. Et vous allez faire perdre du travail à votre camarade. Oui, excusez-moi. Et surtout, j'ai appris des choses au niveau écologique. Ça, c'est plus important. Voilà. Avec le nouveau spécialiste en la matière, qui est donc Nicolas Sarkozy, qui a dit précisément. Attention, on arrête de rire. Parce qu'il a dit précisément ceci. Il suffit que la planète change d'axe d'un demi-degré face au soleil, et vous avez le Sahara qui était une mer ou une forêt qui devient un désert. Voilà, ben ça je savais pas. Je savais pas que le Sahara était devenu un désert à la suite d'un changement d'axe de rotation de la Terre. D'ailleurs, les scientifiques ne savaient pas non plus. Ah, ils savaient pas que c'était aussi simple que ça. Il y en a qui ont fait 30 ans d'études là-dessus. Hein, ils pensaient que c'était complexe. Ben j'espère qu'ils ont regardé par hier. Exemple, Jean Jouzel, il est pas d'accord. Non, voilà. Ben j'espère qu'il a regardé. Il aurait appris des trucs. Une petite leçon à Georges, ça lui ferait pas de mal aussi de temps en temps. En tout cas, les fans de Nicolas Sarkozy ont regardé. Moi, je le sais parce qu'ils se réunissaient hier dans des bars à Paris et j'étais en immersion totale parmi eux. Vous croyez pas que j'étais avec eux? Écoutez ce que ce monsieur pense de Sarkozy. Il bouge et puis il a d'expérience. Pour moi, je le prends comme un petit Napoléon. Ah oui, c'est rassurant ça? Ah ben oui, parce que c'est un gars, il bouge. Ah mais Napoléon, c'était un peu un dictateur, non? Non, mais quand même, il faut un peu de discipline en France, hein, croyez-moi. Ok, vous me croyez maintenant que j'étais avec les fans de Sarkozy? Il n'y a que des fans de Sarkozy pour comparer leur champion à un mégalomane responsable de millions de morts. Même les fans de Robert Ménard, ils n'osent pas faire ça. Hein. Vous ne les entendrez jamais dire « il est énergique, il bouge beaucoup, Robert c'est un petit Goebbels ». Non, jamais. Même les mecs n'osent pas. Donc on est d'accord, j'étais avec eux pour aborder donc la fameuse question climatique. Tiens, ce même monsieur, qu'est-ce qu'il en pense? Oui, le climat, oui, ben, y a beaucoup de choses à faire, le climat. Il faut qu'on remette les pendules à l'heure un peu. Mais comment faire? Comment faire? Eh ben, il faut prendre des grandes mesures, c'est tout. Hein. Ouais, mais alors, genre un exemple de mesure? De mesure, eh ben, vous savez bien tout ce qu'il y a à faire. Ah non, voilà. Ben, si, ben, il faut plus de pollution, il faut plus. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais comment on peut faire ça? Vous savez, tout ce qu'il dit, il faut le suivre. Voilà, il faut suivre. Faut suivre tout ce que dit Nicolas Sarkozy. Moi, je suis tout ce que dit Nicolas Sarkozy. Alors, il a dit, par exemple, il faut être arrogant comme l'homme pour penser que c'est nous qui avons changé le climat. Hein, fin de citation. Alors, en termes d'arrogance, on peut lui faire confiance, à Nico. Hein, non, mais c'est vrai, il faut être honnête là-dessus, il connaît. Bah, quand il parle probité et méditation interne, on est peut-être moins attentif à ses propos, mais en termes d'arrogance, on est bon. Et alors, en termes de climat, là, c'est là que j'avais un doute aussi. Alors, je suis allé voir un autre soutien de Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qu'il pense de cette phrase? Pas grand-chose. Mais vous êtes plutôt d'accord avec lui ou... Ouais, d'accord avec lui, ça est d'accord, ça c'est sûr. Mais pourquoi vous pensez ça alors? Je sais pas, comme ça. Ouais, c'est un argument qui se tient. Ça se tient, ça se tient. Non, mais des fois, c'est vrai que c'est mieux de pas trop se faire chier à réfléchir, parce que ça pique un peu derrière le crâne. Puis sinon, surtout, après, on n'est plus certain de voter Nicolas Sarkozy, et ça, c'est quand même dommage, essentiellement pour mes chroniques, d'ailleurs. Alors, je suis allé voir directement Gérard Gaillet. Hein, il est référent de Nicolas Sarkozy pour la 12e circonscription, et il est également adjoint au maire. Qu'est-ce qu'il pense du réchauffement climatique actuel? Je pense que personne n'a une réponse aujourd'hui. Peut-être que les scientifiques ont raison, mais peut-être qu'il y a une autre raison. On a vu, il y a des millions d'années, les glaciations. À l'époque, il n'y avait pas de pollution. Et non, Gérard, hein, c'est même précisément pour ça qu'il y avait des glaciations. Hein, parce que si à l'époque, tous les tyrannosaures avaient roulé en Laguna Diesel, hein, s'ils s'étaient chauffés leurs petits bras de tyrannosaures comme ça, voilà, pareil, hein, s'ils s'étaient chauffés au charbon, ben, on ne serait peut-être pas là pour en causer, Gérard. Alors, à moins que je me plante moi, ça c'est possible aussi, mais alors ça voudrait dire que la quasi-totalité des scientifiques qui bossent sur la question se plantent aussi. Ce serait quand même pas de bol, on peut le dire. Qu'est-ce qu'il en pense, Gérard? On ne sait pas. On ne sait pas, vous faites pas confiance aux scientifiques? Personnellement, je ne suis pas un scientifique, donc je veux répondre à la question. Oui, mais ma question, c'est est-ce que vous faites confiance aux scientifiques? Ah ben, je fais confiance aux scientifiques, bien entendu, dans la mesure où, par exemple, en matière de santé, on a fait des progrès énormes qui nous sauvent tous les jours. Ah voilà, vous faites confiance aux scientifiques quand vous avez une jambe cassée, mais pas quand le climat est déréglé. Ah si, mais je ne sais pas, moi je ne suis pas scientifique, donc je ne peux pas apporter la réponse. Ok, ok, ok, donc Gérard, c'est un mec qui ne fait pas confiance s'il n'est pas sûr, hein, donc il ne prend pas l'avion parce qu'il n'est pas pilote, par exemple, hein, voilà. Hein, il ne prend pas son cerveau parce qu'il n'est pas neuropsy, d'accord ? Ça s'entend un petit peu d'ailleurs. Alors concluons avec lui sur les scientifiques. Ah, je ne dis pas qu'ils n'ont pas raison, on n'en sait rien, hein. C'est l'avenir qui le dira, on ne sera plus là pour le voir. Ah bah oui, bah alors on ne pourra jamais savoir s'ils ont eu raison ou pas. Oui, nous on le verra pas, à mon avis, on ne le verra pas de notre vivant. Voilà, donc attendons d'être morts, hein, pour savoir si les scientifiques avaient raison ou pas. De toute façon, je vais vous dire, on y va tout droit. Hier, sur 2 heures d'émission, il y avait 3 minutes consacrées à l'écologie. Hein, c'est pas comme si c'était l'enjeu principal du siècle. C'est pas comme si on était tous en train de cramer dans une marmite et qu'on se foutait sur la gueule sur la couleur de la gazinière. C'est dommage, fallait peut-être pas appeler ça l'émission politique, mais plutôt d'émission politique. Mmh. Guillaume Meurice, merci Guillaume. Elisabeth Quint. Moi, je n'ai qu'un truc à dire. Le 20 novembre, il faut voter. Bah, oui. Non bah, bien sûr. À la première à droite. Bah, bien sûr. À droite, bah, enfin. Et on bah, vote voilà. Qui, du coup pour écarter des gens, plus que pour lui. Pour lui. Non, mais déjà, c'est un premier. Le problème, c'est qu'en tant qu'humoriste, on aurait plutôt intérêt à voter pour Nicolas Sarkozy, nous. Oui. Ah oui, oui, mais alors là, voilà, vous êtes dans un dilemme de morale, mon complètement, petit gars. Complètement, et, ouais. Ouais. Et alors, juste un truc, dans ce petit bouquin que je vous ai apporté, Les Anagrammes de Jacques Péricelco, oui. Qui est un type qui appartient à l'Oulipo et qui passe sa vie à faire du saxophone et des anagrammes, il y en a un qui est fantastique. Allez-y. C'est les renversements de sens. Le réchauffement climatique, fioul qui tache le firmament. Ah, c'est ouais. Pas sublime. C'est sublime. Et alors, il y en a un autre, centrale nucléaire, le cancer et la ruine. Et rappelez les références, Elisabeth. Ah bah, anagramme pour lire dans les pensées chez Actes Sud. Et c'est joli parce que c'est écrit aussi avec Raphaël Entoven. Oui. Et dedans, c'est marqué qu'il était philosophe. C'est hyper marrant. Achetez-le, c'est très rigolo. Oui, mais le précédent, c'était avec Étienne Klein. Et lui, il est vraiment physicien. Ouais. Là, en tout cas, Guillaume là, oui. Meurice va le lire puisque hein vous lui avez offert. Voilà. Allez, on tout. Allez, on est ensemble jusqu'à 18h sur France Inter avec Elisabeth Quint. On passe l'actu à l'essoreuse. Et tiens, voici comment fonctionne l'algorithme de Google. Je vous lis le début d'un papier paru dans Le Monde, daté de demain. Je vous dis le début du papier, c'est très explicatif. Si une personne de droite et une personne de gauche lancent une recherche Google sur BP, British Petroleum, la personne de droite reçoit en tête de page des infos sur les possibilités d'investir dans BP. La personne de gauche reçoit des infos sur la marée noire causée par la compagnie pétrolière. Et ça fait flipper, ça. C'est le flip. En 3 secondes, cette machine diabolique a réponse à tout. Elle peut même nous révéler les secrets les plus intimes de chaque concitoyen. Composons par exemple, l'affiche de notre petit cruche. Oh mon Dieu, je refuse. Tout sera faux. Oh. Cruchot, Ludovic Marivonne. Né le 31 juillet à Courbevoie. Tendance à l'hypocrisie et à la schizophrénie. A fait pipi au lit jusqu'à 14 ans. Oh, jamais pipi. Une autre chose, oui. Dis-moi, c'est pas très démocratique tout ça, hein? Le gendarme et les gendarmettes, car il n'y a pas que Truffaut et Jean-Pierre Léo, aussi des références. Moi j'ai une question, c'est quand je tape BP, il y a Big Penis. Est-ce que je suis de gauche ou de droite par rapport à Google? J'allais vous poser la question, vraiment, justement. Donc Google scanne notre comportement en fonction des recherches qu'on fait, évidemment. C'est maintenant que vous le découvrez. Non, mais alors à ce point-là... Et Facebook c'est... et tout ouais, le monde. Oui, bien sûr. Donc l'algorithme dirige le monde parce que c'est de la propagande, dans le fond. Ben, c'est surtout du paramétrage économique. C'est du gain de temps C'est aussi. Une véritable saloperie. Donc il y a une solution, faire sécession, y être le moins possible. Et retourner au Minitel. Suivre le proverbe égyptien, cache ta vie comme le chat cache sa crotte. Ne plus être sur les réseaux sociaux, voilà, ou le moins possible. Et alors, mais pour faire des recherches sur Internet, comment est-ce qu'on lutte? On retourne en bibliothèque. Ouais. C'est une blague, là. Vous voulez qu'on en revienne à la plume d'oie, mais c'est oui, ça c'est une blague. Mais comment on lutte, j'en sais rien. Comment on lutte déjà en étant conscient du problème. Et il faut quoi? Il faut être plus rusé. C'est compliqué d'être plus rusé que les GAFA, comme on dit, que tous ces énormes Amazon, Google, Facebook, etc. Je ne sais pas. Peut-être faire un maximum de fausses recherches sur des questions qu'on ne pose voilà. Pas du tout, oui. Pour tromper oui. Google sur la personnalité qu'on est vraiment. Non, mais peut-être être plusieurs utilisateurs sur le même ordi, oui. Histoire de rendre brouillé. Dingo le machin, en brouillant les pistes avec des paramétrages psychologiques complètement ouais. Foufurieux. Échangeons nos ordis, oui, par exemple. Oui. Échanger les ordis. Moi, si j'échange avec Isabelle Sorrent, ouais. On va m'envoyer des trucs super intellectuels, on va me prendre pour une matière grise. Vous risquez d'être très déçu. Vider l'historique de navigation, Alex. Je vais pas prêter mon ordi. Elisabeth Peut-être qu'un, si Google vous scanne, ouais. qu'est-ce qu'il peut trouver comme profil alors ? Nadine Rothschild. Je vois que ça. Oui, parce que vous dites que vous recevez dans votre émission oui. comme Nadine oui. de Rothschild. Non, que je fais le placement à table, mais c'est oui, pour c'est rire. Ça, parce que, évidemment, parce que vous savez, dès qu'on fait de la télé, on devient un peu ridicule, une caricature de soi. Enfin, vous connaissez ça. Ah, moi, je fais pas de télé, moi, donc. Ah bon ? Ah bon, vous voulez dire ? Ah bon, d'accord. Très peu. D'accord. Soyez honnête, vous recevez des recettes de choucroute ou... On va pas bon, se mentir, évidemment, hein. Bah, bien sûr. Non, non, mais vous faites de temps en temps des recherches quand même. Plein, tout le temps. Vous êtes plutôt en recherche dans les journaux. Alors, je n'achète pas sur Internet. Ah, déjà. Je n'achète rien. J'achète pas sur Amazon, j'achète pas de bouquins. Pour des raisons militantes, je vais chez les libraires, par exemple, et je n'achète rien. Si, quelques assiettes sur eBay, d'accord, c'est mon péché mignon. Mais sinon, je n'achète rien. Donc déjà, économiquement, il n'y a pas de... Voilà. Et ouais, voilà la solution. Après, il faut dire qu'il y a d'autres moteurs de recherche aussi, si on ne veut pas ouais, être... Par si exemple, il n'y a pas que Google. QWant, voilà, c'est ça. Et il y a aussi Bing, je crois. Et c'est français. Et voilà, il y a plein d'autres moteurs de recherche que Google. Mais qui ont sûrement des algorithmes aussi, cela dit, je pense. Mais ils peut-être, ont tous. Mais plus gentils. Ouais. C'est les algorithmes gentils. Oh, l'algorithme gentil. Et sur QWant, on n'est pas tracé, paraît-il. Et oui, parce que là, en régie, Benjamin Riquet, notre réalisateur, qui est paranoïaque. Hein, donc lui, non, il sait précisément. Il a raison. Donc, il a raison, comme tous les paranoïaques. Il lutte avec nous, comme toute cette équipe. Isabelle Sorante. Charline, alors le livre dont je vais parler aujourd'hui, c'est un livre qui est sorti juste avant l'été, et c'est L'amour, le vrai, de Florence Lautredoux, qui est psychanalyste et qui interroge les histoires d'amour sous l'angle des archétypes. Alors vous savez, l'archétype de la reine, de la magicienne, de l'amoureuse, du guerrier, du prince. Bref, ces personnages éternels que l'on joue le plus souvent sans s'en rendre compte, malheureusement. Alors, la question que pose toute histoire d'amour, heureuse ou pas, c'est toujours la coexistence d'une vérité éternelle, archétypale, avec une situation très contemporaine. Prenez par exemple la femme bafouée d'un homme poursuivi pour escroquerie, Patricia Cahuzac. Elle n'est pas sans rappeler le personnage de Blue Jasmine de Woody Allen, ou l'épouse d'un homme d'affaires malhonnête plongée en même temps que son mari. Et ça, c'est le propre de l'amour, de faire goûter des vérités romanesques à la saveur parfois tragique aux frêles humains que nous sommes. Alors, Florence Lautredoux m'a confié avoir hésité à mettre un point d'interrogation après son livre. L'amour, le vrai ? Point d'interrogation. Tant évidemment, on serait bien en mal de définir l'amour, le vrai, nous qui avons tous des ombres qui s'allongent à mesure que le jour tombe. Alors, comment fonctionne le livre ? Il s'organise en 8 récits, des fictions thérapeutiques, inspirées par les observations bien réelles de l'auteur, 8 récits qui fonctionnent comme des petits contes qui vont justement s'amuser à détruire les vérités toxiques véhiculées par les contes de fées. Car les femmes, et aussi les hommes, mais ce sont surtout les femmes qui sont les héroïnes des contes disons modernes de Florence Lautredoux, les femmes sont encore aujourd'hui victimes de ces archétypes sacrificiels véhiculés dans les contes et les fictions. La petite sirène qui se mutile pour plaire à un prince qui soude sa gueule, Anna Karenine qui perd tout pour un beau gars égoïste, et j'ajouterais, allez, Angélique Marquise des Anges qui a conduit la génération d'Homère à rêver de se faire fouetter par un sultan. L'héroïne du premier récit de Florence Lautredoux, c'est une femme indépendante qui tombe amoureuse d'un type sûr de lui. Vous voyez, le genre de type qui lui dit au premier dîner, moi j'aime la chasse et j'aime tuer des pigeons, ça te dérange ? Et elle, la femme qui se doute, hein, qui se doute que quelque chose ne va pas, elle dit non, pas du tout, parce qu'elle est hypnotisée, elle est sidérée par le regard froid de son amoureux. Alors son histoire, évidemment, on s'en doute, ne va pas s'améliorer. Ce qui est remarquable dans le livre, c'est que Florence Lautredoux interrompt ses récits par des incises où elle décrit ce qu'elle appelle le moment de bascule, le moment où tout pourrait basculer, disons, dans le bon sens, si on osait faire confiance à notre intuition. Et comme dans la vie, dans les 8 récits du livre, les moments de bascule doivent parfois être nombreux avant que les protagonistes réalisent, souvent à leurs dépens, que quelque chose ne va pas chez eux ou chez l'autre, mais en premier lieu chez eux. Les femmes du livre ne sont pas victimes des hommes, alors certaines blessent les autres, certaines se font blesser, mais toutes sont victimes de personnages intérieurs qui les hantent, la femme fatale, la prostituée, la servante. Alors comment s'en sortir ? Eh bien, répond l'auteur, en étant créateur dans nos histoires d'amour, et je pense que le conseil pourrait s'adapter à la vie entière, en étant créateur, c'est-à-dire en se laissant inspirer par d'autres modèles, quitte à les inventer soi-même, on retrouve l'accès au vrai amour, à une forme d'intégrité d'actualité et de surprise. Alex prend des notes, je vois. Je oui, oui. Et là, ça devient important, Alex. On peut se dire, par j'ai exemple... J'ai une question, je ne le poserai pas. Très bien. Que si Melania Trump s'inspirait d'Alexandra David-Lille et plantait là son mari pour partir faire un petit tour dans l'Himalaya, il se passerait quelque chose de très, très, très intéressant pour le monde entier. Et pour revenir à l'amour, le livre que j'ai relu en même temps que L'amour le vrai, parce que vous savez, alors on lit souvent deux livres à la fois qui en apparence n'ont rien à voir, et puis tout d'un coup on se dit, tiens, c'est drôle, on lit l'un à la lumière de l'autre. Eh bien, j'ai relu Just Kids de Patti Smith, et si ce livre raconte une vraie histoire d'amour, c'est justement parce que les deux personnages principaux ont vraiment transcendé les archétypes classiques pour vivre leur amour au-delà des ruptures et même de la maladie. Alors voilà, je vous recommande L'amour le vrai de Florence Autrédoux, parce que ça vous rassurera sur le fait que l'amour le vrai, c'est difficile pour tout le monde. Isabelle Sorrente, merci. Alors, ma question, Alex. Au final, est-ce que vous conseillez l'amour ou... Alors Alex, le vrai, oui. Ah oui, mais c'est pas un marketing, c'est comme le jambon. Hein. Tiens, Isabelle Sorrente, comme Elisabeth Quin n'est pas venue les mains vides avec un livre pour chacun, qu'est-ce qu'elle vous a offert? Alors un livre qui a l'air magnifique et mystérieux, dont moi je ne connais que la couverture, évidemment. Qui ressemble à une gravure sur bois. Oui. Une Anglaise qui enseigne à Cambridge, et l'histoire, qui s'appelle Hélène MacDonald, qui a publié un récit absolument incroyable, hybride, entre le journal du dressage d'un rapace, entre la méditation sur la perte de son père et ce que c'est que de perdre l'être aimé, ça raccorde d'ailleurs avec ce que vous venez de dire. C'est un récit extraordinaire de cette femme qui perd son père, qui ne s'en remet pas, qui est très amoureuse de la nature, son père l'aidait à regarder la nature, et elle dresse un faucon. Et d'une certaine façon, c'est un transfert d'affection et c'est prodigieux. Et donc, vous pouvez rappeler les références aussi. M pour ma belle. Aux éditions Fleuve. Ah, ouais. Hélène MacDonald, superbe récit de retour à soi et de réapprivoisement de soi, finalement. Et très voilà. Beau. Et puis vous pourrez réécouter la chronique d'Isabelle Sorrente aussi sur France Inter. Moi j'adore votre voix, Isabelle Sorrente. Vous avez une voix, cinégénique, incroyable. Oh, hein, je rouge. C'est cinégénique. Truffaut l'aurait tout de suite engagé avec Jean-Pierre Léaud, vous imaginez, les deux timbres. Je suis née trop tard. Mais heureusement pour nous, Isabelle Sorrente. Elisabeth Quin est avec nous et on va aborder le dernier sujet. Face à un choix binaire, décidé à pile ou face, ça rend, paraît-il, heureux. En voilà une étude à la con d'un chercheur de Chicago. Alors, oui. Ça m'étonne pas. Mais elle pose une question amusante. On est tous confrontés à des choix cornéliens et c'est parfois vertigineux, très vertigineux, les choix cornéliens. Oh putain, il y a plus de plastique que dans chair. Je crois que je peux la désamorcer. J'ai l'impression d'être à Beyrouth, tirons-nous vite fait. Fais pas dans ton froc, il nous reste 9 minutes et 7 secondes. Je crois qu'il va falloir employer la bonne vieille méthode, hein. Oh non, Rex, à quoi tu penses? Rex, on remonte en arrière. Rex, à quoi tu penses? Ah, c'est peut-être pas très intelligent, mais enfin... Rex! Je pense qu'il faut couper le fil bleu. Attends! Quoi? Moi, c'est pas ce que je pense. Quoi, tu veux couper le rouge? Oh non, attends, Rex, attends. Quoi? Comment tu peux en être sûr? Bon, c'est juste du flair. Tu te fies à ton flair. Bon, laisse tomber, Roger, fais-moi confiance. Oui, tu as raison, il faut que je te fasse confiance. Je crois pas. Bon, je vais couper le fil rouge, d'accord? Ah, oh. Quoi? Quoi? Il y a une minute, t'as dit le fil bleu. J'ai dit le fil bleu? Rix, t'as dit le bleu. Bon, je voulais dire rouge. L'arme fatale 3, car nous n'avons pas que Jean-Pierre Léaud et Truffaut comme référence. On a de la testostérone aussi. Il y a de l'arme fatale 3 aussi. Ouais. Ça vous est déjà arrivé de tirer à pile ou face pour faire des choix, Elisabeth Quin? Ah mais jamais. Jamais. Ah mais je jamais, prends mes jambes à mon cou si je suis confrontée à un dilemme de pareil. Non mais c'est idiot ce truc. Ah oui, hein, je ne savais pas. Est-ce qu'autour de cette table, parce qu'on a posé la question à notre réalisateur qui a dit ça m'est arrivé, et vous Moi j'aime bien l'idée de la non-responsabilité du choix. Du coup, si on a pesé les choses et qu'on se dit, en fait, il y a des avantages d'un côté, des avantages de l'autre, et qu'on n'arrive pas à instinctivement le choisir, au moins... Il y aura quelqu'un qui aura choisi, c'est Isabelle Sorrente a un avis. Ah, moi, c'est que j'adore l'idée de l'audace, parce que je me dis, les gens qui ont réussi à faire un choix après, ils ont l'air plus heureux, mais parce qu'il faut, suppose qu'on choisit, la pièce sort, mais il faut ensuite oser se dire qu'on va y aller, et je trouve que ça me fascine. Comme quoi, il n'y avait pas besoin d'une étude pour arriver à cette conclusion, puisque c'est la conclusion à laquelle est arrivée Isabelle Sorrente naturellement, par sa seule sans réflexion. Étude. C'est vrai. Guillaume. Non, mais il y a l'idée du hasard derrière qui est intéressante. Et dans les premières démocraties athéniennes, il y avait des citoyens tirés au sort. C'est une théorie qui revient par Étienne Chouard notamment en ce moment, beaucoup, mais c'est l'idée intéressante. L'idée du hasard est intéressante. Après, le pile ou face ou une autre forme de hasard, voilà. Mais voilà, Elisabeth, qu'est-ce qu'on en faisait? Attends, oui, mais moi je voudrais plus loin. Ouais. Alors qu'est-ce qui devenait ces citoyens tirés au hasard? Ah, c'est compliqué. Il faut lire Étienne Chouard. Non, c'est pas coïtus interruptus. Non, il nous lance sur un truc. Okay. Et là tout d'un coup, bah toc, démerde-toi. Allez au fond des choses. J'explique. Alors là, la théorie qui est pour l'instant élaborée, c'est de faire une constituante, c'est-à-dire tirer au sort des citoyens sur la base du volontariat, c'est-à-dire des gens qui sont d'accord pour écrire une constitution. Donc déjà, ça trie quand même les citoyens. On a été très bien du côté de Nuit Debout. Et voilà, ça circulait beaucoup dans les idées. Mais c'est intéressant quand même. Bien sûr. Toutes les alternatives. Donc renseignez-vous là-dessus, parce qu'évidemment, je ne peux pas résumer en 20 secondes, mais c'est intéressant. Voilà. J'ai quand même dire que Christophe Colomb, à l'époque, avait tiré à pile ou face et dit est-ce que je vais en Amérique ou est-ce que je vais en Inde? Et pof, il a dit Inde, ok, j'y vais. Et malgré tout, c'était un échec. Ça ne marche pas toujours. Non, je suis surtout intéressé par ce que dit, Guillaume. Mais c'est le problème, c'est que moi, je peux être très volontaire, mais je suis nul. En fait, je veux bien aider, mais on va dire. Mais elles sont nulles tes idées. Ouais, je suis volontaire. L'idée, c'est que vous ne serez pas tout seul, Tamar. C'est vrai. Ah oui, nous ne sommes pas tout seuls. Quelqu'un est entré. L'intelligence collective. Quelqu'un est entré dans le studio. L'intelligence en réseau. Retournez-vous, Elisabeth Quin, c'est Frédéric Fromet. Bonsoir. Bonjour. De quoi allez-vous nous chanter? Mais hier soir, j'ai compris pourquoi Nicolas Sarkozy était obsédé par le burkini. Mais c'est sa fête aujourd'hui. Je le cite, en France, la femme est exactement l'égale de l'homme. Contre le burkini, une loi, allons-y. On n'est pas des fadas, on respecte les nanas. Leur liberté, pas touche. Est-ce que t'as fait les courses, la cuisine, le ménage, vaisselle et repassage? Bannissons le voile, pas les femmes à poil chez les publicitaires pour vendre un camembert. Libérons les pisseuses avec des jouets pour pisseuses. Une poupée, une dinette, un balai, une poussette. Non au burkini. Tant qu'il reste permis de blaguer sur les blondes, on pourrait aussi les tondre. Tant qu'on laisse faire les différences de salaire, qu'on les cantonne à des postes où elles restent à notre botte. Quelles sont de garde quand le mot m'est malade? Qu'elles sont objets sexuels quand elles sont belles, bonnes à mettre sous cloche quand elles sont moches. J'ai une vanne spirituelle, abat-jour mademoiselle. Bien sûr le burkini, c'est vraiment tout pourri, y a pas une religion où on n'est pas des cons. Et surtout des connes, car c'est toujours bobonne, cette chose inférieure qui vaut moins qu'un pot de fleurs. Dans ce monde pour les hommes, façonné par les hommes, manquerait plus qu'elles répondent. Contente-toi de pondre des beaux petits garçons, des costauds, des champions. Car les filles, c'est moisi, ça fait des pneumonies. Non au burkini, tant qu'il reste permis d'avoir peur pour nos vies quand madame conduit et nos comptes bancaires, elle est si dépensière et ingrate, la vilaine, gna gna gna, la migraine, rien qu'une paire de nichons, enfin quand elles en ont, on ne leur demande pas d'avoir fait l'ENA, ni même tout simplement de savoir lire un plan, elles sont plus dégourdies en astrologie. Contre le burkini, une loi, allons-y. On est en France, bordel, on serre les mains des femelles. Je voulais dire des femmes, nos très chères petites femmes, qu'à l'Assemblée, on aime tant. Il y en a 27%. Allez, merci. Chanteur réaliste. Je ne vous savais pas féministe, Frédéric Fromet. Ouais, ça m'est venu comme ça. On sent qu'il a envie de pécho quand même. Heureusement que l'émission, Frédéric. Merci, Frédéric. C'était magnifique. Merci, merci à tous autour de cette table. Et merci, Elisabeth Quin. C'est pas comme 28 minutes, ça passe vite. Ça passe à une vitesse. Oh oui. La vanne. Moi aussi. Je vous aime. En tout cas, on peut vous retrouver ce soir sur Arte, bien sûr, dans 20. Exactement, à 20h05. Ce sera le Club des 28 qui revisite l'actualité de la semaine. Tiens, il y aura Joël Mesquins. Exactement. Une compatriote. Correspondante du soir. À Paris. Mon ancienne collègue. Mais oui. Éric Nolot. Éric Nolot, Laetitia Strouche-Boulard. Et essayiste. Coco. Et Coco de Charlie Hebdo. Mais bien sûr. Mais ouais. Et voilà, donc on vous conseille chaudement. 20 minutes tout à l'heure. Et la semaine est tout le temps. J'aime quand on me conseille chaudement. Merci à tous. Merci. Et puis avec quoi on peut se quitter? Tiens, le mot de la fin, on peut le laisser à l'Europe des 27, tiens, par exemple. Pourtant, j'en avais compté 10 tout à l'heure. Ah, c'est vrai, je m'entends encore. 9, 10. Et une, deux, vous vous entendez? Une, deux, non, mais... Alors, si vous vous entendez pas une, deux, c'est vous avez commencé 3, 4.